Vous êtes à Cifou pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. À la CNAQI viendra nous parler de santé et aussi avancement médical. Et je ferai un retour sur tout ce qui s'est pas dit la semaine dernière. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 3 avril 2017, seulement 24 jours avant la fin de l'année scolaire. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. Mon nom est Tania Baudin en remplacement complet de Mathieu Plante. On devrait avoir des nouvelles d'ici la fin de l'émission, savoir dans quel état il se retrouve. Est-ce qu'il a une date maintenant de son retour à la suite de ses prouesses sur la glace? Pour l'intro d'aujourd'hui, eh bien, je tiens à remercier... si je me souviens bien, Vanessa Parietter. Alors, merci. Si jamais vous voulez toutes les informations sur cette intro musicale, eh bien, il suffit d'aller sur le www.assemblagerequis.com. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais que le plan d'aujourd'hui, c'était qu'Alassania allait nous rejoindre un petit peu plus tard durant l'émission. On va discuter médecine, on va discuter avancement médical, discuter santé avec elle aussi. Et on aura aujourd'hui une espèce de mash-up de tout ce qui avait été préparé la semaine dernière pour combler l'émission qui n'a jamais été racontée. Donc, on va parler en fait des utilités du charbon. On va aussi parler de certains métiers dans le monde de la communication et aussi des idées de repas. Donc, on devrait avoir une émission quand même assez complète. On devrait passer au travers de plusieurs sujets vraiment très différents pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère aussi que vous avez votre café à côté de vous, tout comme moi, parce que c'est lundi matin. Ce qui veut dire que la journée et la semaine commencent. On va commencer tout ça ensemble en allant écouter une nouvelle entrée du palmarès anglophone. On parle d'un band qui a déjà fait son apparition dans les palmarès. Ils n'en sont pas à leur premier. On va aller écouter Crystal Fairy avec la pièce Chisler. Thank you. Chisler de Crystal Fairy. Je me suis dit que ce matin, avec votre première gorgée de café, ça allait bien vous réveiller comme ça dans le cadre de l'émission. Tout comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire comme une espèce de retour sur tout ce qui s'est pas, tout ce qui n'a pas vraiment eu le temps d'être dit ou mentionné durant l'émission la semaine dernière. Parce qu'on avait quand même une grosse semaine. Plusieurs chroniqueurs qui étaient avec nous la semaine dernière. Ça semblerait être la même chose pour cette semaine. Mais bien évidemment, lorsqu'on discute avec des chroniqueurs qui viennent dans l'émission. Et on n'a pas nécessairement tout le temps le temps de discuter de ce qu'on a préparé pour les auditeurs, mais ce matin, je me fais comme un devoir de revenir sur tout ça. En fait, ce sont des sujets qui m'ont toujours ça m'a toujours bien plu de pouvoir parler de pas mal n'importe quoi dans l'émission, et c'est cette possibilité-là aussi que j'ai avec Mathieu lorsque Mathieu anime. Alors, ce matin, je vous présente 5 idées de repas à préparer parce que c'est le début de semaine. Parfois, le lundi, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. On veut aussi simplifier nos repas de semaine. Tu sais, le lundi, c'est difficile partir sa semaine le lundi parfois. Alors, j'ai quelques idées pour vous, oui, ce matin, dans le cadre justement de pouvoir vous simplifier la tâche un petit peu quant à se faire à souper ou à dîner pour vos repas de la semaine. Donc, la semaine, on est tellement pressé qu'il n'y a pas vraiment de stratégie pour gagner du temps dans la préparation de repas. Et lorsqu'on est capable, en fait, de gagner du temps comme ça, bien, c'est toujours bien reçu de notre part. Et lorsqu'on est à la maison, bien, on veut un petit peu plus de temps, soit à la fin de semaine, on veut aussi un petit peu plus de temps lorsqu'on arrive du travail pour juste pouvoir, tu sais, parfois... relaxer, se laisser un petit peu plus à soi. Donc, la mijoteuse, c'est quelque chose que l'on doit mettre à profit, que l'on doit pouvoir inclure dans notre quotidien de façon un petit peu plus... récurrente, tiens. Alors, même si c'est pas dans vos repas du week-end, ça pourrait grandement faciliter la tâche de vos lunchs et de vos soupers de semaine. Et il y a d'autres avantages aussi. Ça va vous permettre d'économiser et de manger beaucoup plus santé. Donc, il y a quelques idées d'aliments, en fait, ou de repas à faire dans la mijoteuse. Par la suite, le midi, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de le réchauffer. Ou encore, les soirs de semaine, vous allez arriver, vous allez mettre ça au micro-ondes, 1 à 2 minutes. Vous allez pouvoir vous faire un petit repas bien complet. Et si jamais vous vous dites, ouais, mais là, je suis tout seul dans mon appartement, c'est bien beau être, être prévisible et se faire des repas pour toute la semaine, mais une portion de cet aliment-là, je vais en avoir beaucoup trop, eh bien, sachez que vous pouvez les congeler et les garder en petites portions. Alors, toutes les recettes demandent une cuisson, en fait, à faible intensité pendant 8 à 10 heures. Ce qui est le fun avec ce qu'on appelle parfois la cocotte, c'est-à-dire la mijoteuse, c'est que vous pouvez partir tout ça le matin avant de vous rendre soit à vos cours ou au travail, et vous allez pouvoir laisser aller ça toute la journée. C'est sûr que ça va être laissé sans nécessairement une grande surveillance. Par contre, si vous êtes genre à revenir à la maison sur l'heure du dîner, eh bien, vous pouvez déjà à ce moment-là regarder de quoi ça a l'air. Le premier aliment dont je peux vous parler, c'est un poulet entier. Un seul poulet, ça donne 8 morceaux, c'est-à-dire 2 poitrines, 2 cuisses, 2 hautes cuisses et 2 ailes, ce qui coûte vraiment moins cher que si on les achetait de façon séparée à l'épicerie. Par la suite, une fois cuite dans la mijoteuse, bien, vous allez voir que la chair va être vraiment tendre et ça va pouvoir se défaire à la fourchette. Vous allez pouvoir aussi la garder en morceaux beaucoup plus gros, c'est selon votre goût, et vous allez pouvoir l'utiliser pour faire soit des sandwichs, des tacos ou des fajitas. Par la suite, vous allez pouvoir utiliser ça dans vos sautés, dans vos soupes. Vous allez pouvoir vous faire des hot chicken, des salades. En tout cas, vous voyez l'idée qu'il y a plusieurs possibilités à faire avec un repas de poulet complet. Donc, il y a peu d'aliments qui sont aussi polyvalents, en fait, que le poulet. À la base, vous allez faire cuire le poulet à la mijoteuse simplement avec un petit peu d'eau ou de bouillon, si vous en avez. Vous pouvez très bien le faire vous-même. Donc, vous allez mettre environ 1/4 tasse de livre de viande, ce qui est, en temps normal, écrit sur l'étiquette du poulet. Vous allez mettre votre bouillon et en temps normal, vos poulets devraient peser entre 3 et 5 livres. C'est ce qu'on veut. Ensuite, il est toujours possible de relever un petit peu l'assaisonnement avec du sel, du poivre, des épices, des herbes aussi. C'est vraiment à votre goût. Et pour récupérer la chair, que vous vouliez l'effilocher ou simplement la défaire en morceaux, le mettre dans certaines portions individuelles, eh bien, rappelez-vous que c'est beaucoup plus facile à manipuler lorsque c'est encore chaud. Donc, c'est sûr qu'on doit faire attention pour ne pas se brûler, là, parce que c'est assez, assez chaud, merci, à certains moments. Mais on peut arranger du poulet froid aussi, mais ce n'est pas l'idéal. C'est beaucoup plus difficile. Alors, si on veut essayer de décortiquer justement notre poulet à ce moment-là, bien, allez-y lorsque c'est encore chaud ou du moins encore tiède. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez à un certain moment mettre des gants et peut-être que ça va vous aider. Donc, une fois le poulet cuit et la chair que vous allez avoir récupérée, bien, jetez pas la carcasse parce que ce que vous pouvez faire, c'est la laisser directement dans la mijoteuse. Vous allez pouvoir ajouter quelques branches de céleri, un oignon, des carottes, des fines herbes. Vous allez remplir ça d'eau et vous allez la repartir pour un cycle. Vous allez avoir par la suite un bouillon maison pour vos prochains potages ou encore une soupe. C'est vraiment pour vous. Le deuxième aliment dont je veux vous parler, eh bien, c'est les légumineuses. Parce qu'après le poulet, c'est certainement un des aliments les plus pratiques. Ça se mange aussi bien au déjeuner. Là, quand on parle du déjeuner, on parle bien évidemment des favolars. Que ce soit le midi avec du riz, des légumes ou même le soir dans une soupe ou dans une salade, il y a vraiment plusieurs variétés de ce que vous pouvez faire avec des légumineuses. Donc, il y a les haricots blancs, les pois chiches, les fèves rouges, les fèves pinto et les fèves noires. On pourrait également faire des lentilles tout en se rappelant que ça a besoin d'un petit peu moins de cuisson que tous les autres aliments. Donc, en les faisant la mijoteuse, vous n'avez pas besoin de faire tremper ou de faire pré-cuire les légumineuses auparavant. Vous allez gagner une étape, vous allez gagner du temps sur ça. Et comme elles cuisent vraiment très longtemps, très doucement, bien le résultat à la mijoteuse est toujours parfait. Les légumineuses, en fait, ça reste pas croquant et ça devient pas trop molle non plus lorsqu'on les fait à la mijoteuse. Alors, c'est vraiment un bon avantage de pouvoir faire ça dans une cocotte lorsque vous partez le matin. Et c'est sûr et certain qu'encore une fois, vous allez avoir besoin que de deux ingrédients, c'est-à-dire les légumineuses, peu importe la quantité que vous allez y mettre, et aussi beaucoup d'eau pour les recouvrir complètement dans la mijoteuse. Et c'est possible aussi d'ajouter de la saveur. Donc, par exemple, encore une fois, avec des herbes, avec gousse d'ail, des feuilles de laurier. Ce sont certaines choses que vous faites ajouter à vos légumineuses pour leur donner un petit peu de goût. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir avoir vraiment une grosse, grosse batch de légumineuses. Et ça va être très facile aussi à congeler lorsqu'on parle de cet aliment-là. Le troisième, eh bien, je sens que je vais peut-être faire des heureux du type masculin ce matin, c'est le porc effiloché. Il y a un autre dépanneur par excellence, à part le poulet qu'on peut utiliser dans des recettes ou le manger tout simplement dans un sandwich qui va être assez rapide à faire. C'est la mijoteuse qui convient parfaitement au type de viande qui est le porc effiloché. Ça se fait traditionnellement avec des coupes économiques qui doivent cuire quand même assez longtemps et doucement. Et si vous n'avez pas de mijoteuse, vous pouvez réussir aussi une version qui est au four grâce à une recette de porc effiloché au four à l'érable et à la bière. Je vais me faire un plaisir de vous mettre ça sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Mais préférablement, vous allez devoir utiliser des coupes de viande qui vont être moins tendres avec plus de gras. Donc, de cette façon-là, le porc effiloché va pouvoir rester là beaucoup plus longtemps. Et comme par exemple, vous allez pouvoir utiliser l'épaule de porc. Non seulement c'est moins cher qu'un rôti ou un filet de porc, mais c'est le meilleur moyen aussi de vous assurer que le porc effiloché ne va pas s'assécher parce que c'est une viande qui doit rester juteuse. Donc, à ce moment-là, si vous utilisez l'épaule de porc, eh bien, c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile pour vous de pouvoir la manier et tout ça, et ça va rester avec le bon goût. Donc, encore une fois, il faut respecter la règle du 1/4 de tasse d'eau ou d'autres liquides par livre de viande. Et vous pouvez ajouter de la saveur, par exemple, en faisant cuire la viande directement avec de la sauce barbecue ou encore avec une marinade qui va être sèche avant la cuisson. Puis lorsque ça va cuire, bien, vous allez pouvoir garder tout le jus à l'intérieur de votre porc. Le quatrième aliment, eh bien, ce sont des patates. Quand j'ai lu ça, pour faire des patates à la mijoteuse, je suis quand même restée surprise. Faire des patates au four sans allumer le four, est-ce que ça se peut? Bien, ça a l'air que oui, à la mijoteuse, on peut très bien le faire. On peut faire cuire à la fois des patates et des patates douces dans une mijoteuse. La méthode est un petit peu différente de celle des autres aliments, par contre, parce que c'est sûr qu'on les mettra pas nécessairement comme ça directement. On va les emballer dans du papier d'aluminium avant de les mettre dans la mijoteuse. Et cette fois-ci, on n'aura pas besoin de liquide. Donc, les pommes de terre vont créer leur propre vapeur, ce qui va les rendre tendres et absolument délicieuses. Et si vous ne mangez pas les patates tout de suite, vous pouvez simplement les conserver dans leur papier d'aluminium pendant plusieurs jours. Vous allez pouvoir les faire réchauffer au micro-ondes, vous allez pouvoir faire des sautés, vous allez pouvoir les ajouter à des soupes ou encore des casseroles, ou vous allez pouvoir faire, par exemple, une salade de pommes de terre. Le cinquième aliment dont je vais vous parler, eh bien, c'est de la sauce à spaghetti. Parce qu'on y pense pas tout le temps, on se dit que ça va être extrêmement long que de faire de la sauce à spaghetti, mais que ce soit une sauce aux tomates ou une sauce à la viande, tout le monde devrait savoir faire ce classique dans la mijoteuse parce que vous allez gagner extrêmement de temps. Donc, ça va demander peut-être une certaine expérimentation et c'est certain que cette recette-là, c'est pas aussi simple que de tout verser les ingrédients dans la mijoteuse, mais ça vaut grandement la peine quand même. Pour adapter votre recette de sauce pour la mijoteuse, il va falloir diminuer un petit peu le temps, la quantité de liquide. Donc, habituellement, le jus qui vient avec les tomates, vous allez le garder, vous allez le conserver et tout ça. Eh bien, là, vous allez ajouter un petit peu plus de pâte à tomate pour votre recette de sauce à spaghetti dans la mijoteuse. Et vous allez faire également revenir vos légumes. Vous allez faire cuire votre viande avant de transférer tous les ingrédients dans la mijoteuse pour justement laisser aller ça pendant quelques heures pour avoir un goût et une texture, qui va être vraiment meilleure. J'ai adoré ces idées-là. Il y a aussi plusieurs idées qui sont tout simplement de d'autres ordres. Ça, c'était pour le faire à la mijoteuse. Mais c'est sûr que si vous avez, par exemple, je sais pas moi, du tofu, c'est sûr qu'il existe tellement de recettes que vous pouvez faire à la mijoteuse que si vous vous lancez dans une recherche inconditionnelle sur Internet, eh bien, vous allez trouver quelque chose qui va faire votre plaisir ou le plaisir de tous à la maison. Ça, c'est sûr et certain. J'ai goût de vous offrir une pièce du palmarès francophone. C'est une nouvelle entrée. C'est Julie Sago avec les Sentiers de terre. Et au retour, eh bien, on va parler en fait un petit peu d'utilisation du charbon. Bon, oui, oui. Les Sentiers de terre, Julien Sago du palmarès francophone. Une petite pièce comme ça qui est assez rapide, mais qui est quand même utile pour faire une transition en plein milieu d'une émission. Voilà. Je disais qu'on allait discuter des utilités du charbon parce que si vous êtes comme moi un petit peu et que vous faites le tour du web, bien vous avez vu dans les derniers mois passés, surtout les masques qui sont noirs, ce qu'on appelle les fameux black masks. Ça l'a vraiment fait un éclat là, sur Internet, un petit peu partout. Ça enlève apparemment tout ce qu'il y a sur votre, sur votre visage qui n'est pas censé être sur votre visage. Et parfois, il y a des propriétés qui sont bénéfiques, mais trop souvent, les reproductions qui ont été faites du Black Mask étaient surtout douteuses. Là, on voyait des filles qui pouvaient quasiment s'arracher la peau du nez avec tout ça. Mais comme l'huile de coco, le charbon qui est bien utilisé, ça peut devenir une espèce de petit produit chouchou à toujours avoir à portée de main. Évidemment, on parle de charbon activé ou de charbon actif et non pas le charbon de briquette là, que vous allez utiliser pour allumer un feu. Il y a une petite différence. Donc, le charbon activé qui est fabriqué à des fins médicales, c'est un ingrédient qui est puissant, qui peut faire des merveilles, autant au niveau de la santé que pour les mille et une utilités qu'on peut en avoir besoin au quotidien. Et c'est finement moulu. Ça s'achète en fait en capsule dans la section des produits naturels à votre pharmacie la plupart du temps. Si vous demandez à votre pharmacien aussi, peut-être qu'il va pouvoir vous les pointer de façon beaucoup plus facile que de chercher pendant des heures et des heures de temps dans votre pharmacie. Mais la première utilité du charbon, c'est de détoxifier votre système. C'est son usage de base. Donc, si jamais vous cherchez justement à la pharmacie, bien, il y a de fortes chances que vous demandiez soit à un commis ou à votre pharmacien et il va venir vous pointer certaines petites capsules, en fait. Ça va être vraiment, ça va ressembler à des pilules. Et si vous prenez ça, bien, ça va pouvoir aider à détoxifier votre système. Par la suite, avec le charbon, vous allez pouvoir aussi vous fabriquer un eyeliner noir. Là, c'est sûr que ça rejoint un petit peu plus les dames que les hommes. Mais vous allez pouvoir vous fabriquer un eyeliner noir naturel. Et ça va être fait aussi avec de l'huile de coco. Donc, on reste vraiment là, dans le naturel. On reste dans j'ai quasiment le goût de dire les aliments, là, mais dans les produits qui sont vraiment les produits chouchou des dernières années. Par la suite, vous allez pouvoir l'utiliser pour nettoyer votre visage. Donc, si vous avez le visage mixte ou à peau grasse, eh bien, on vous conseille en fait le produit qui s'appelle Face de charbon chez Lush. C'est une poudre de charbon qui est utilisée, puis ça va absorber l'excès de sébum et ça va aussi exfolier de façon délicate votre peau du visage. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir avoir une utilité pour votre belle petite peau au niveau du visage. Par la suite, vous allez pouvoir l'utiliser en smoothie. Je vais vous avouer que ça m'a un petit peu surprise parce qu'un smoothie noir, ça n'a jamais été le genre de smoothie que je voulais boire. Mais sachez qu'un smoothie noir, en fait, ça peut faire profiter des propriétés de santé du charbon, un petit peu comme les fameux smoothies verts qui sont très, très, très, très à la mode présentement. Mais vous allez mélanger une demi-tasse, par exemple, de bleuet, une cuillère à soupe de charbon activé, une cuillère à thé de jus de citron, une cuillère à soupe de sirop d'érable et 200 ml d'eau dans un mélangeur. Il existe vraiment plusieurs recettes de smoothies. Vous pouvez en trouver un petit peu partout avec le charbon. Ça se trouve assez facilement sur Internet présentement. Mais je vais vous avouer que j'ai été sceptique. Je vais devoir tenter le coup et essayer ce fameux petit smoothie à un certain moment. On dirait que j'ai le goût que ça goûte le charbon. Mais c'est sûr que si on le mélange à quelque chose comme par exemple des bleuets, du jus de citron et tout ça, ça doit pas être aussi agressif qu'on pense comme goût. Par la suite, une autre utilité que vous pouvez avoir avec le charbon, c'est de réduire le taux de cholestérol élevé de votre corps. Donc le charbon actif, ça réduit le mauvais cholestérol et ça augmente le bon cholestérol. Ça va faire en sorte que dans votre système, vous allez pouvoir avoir une meilleure santé et ça va pouvoir aussi traiter certaines diarrhées et limiter les ballonnements. Donc tout ce qui est gaz, tout ce qui est flatulence, vous allez les prendre par voie orale, encore une fois, sous forme de capsule. Et à ce moment-là, ça va vraiment traiter tout ce que vous avez comme système digestif qui peut être un petit peu plus difficile à certains moments. Le point numéro 7 des utilités du charbon, en fait, vous l'aurez deviné, c'est le fameux masque purifiant pour le visage. Vous allez mélanger 2 cuillères à thé d'argile blanche avec une demi-cuillère à thé de charbon végétal qui est activé en poudre. Vous allez ajouter de l'eau pour former une espèce de pâte qui va être quand même assez ferme. Et lorsque cette pâte est formée, vous allez ajouter une cuillère à thé de gel d'aloès et vous allez mélanger encore une fois. Vous allez appliquer tout ça au pinceau sur votre visage. Vous allez laisser agir le tout de 5 à 10 minutes et vous allez le retirer et vous allez constater les miracles. Vous n'aurez plus de points noirs, vous n'aurez presque plus rien dans le visage en fait parce que ça vient vraiment enlever tout ce que vous avez qui n'est pas censé être en temps normal sur le visage. Ça va vraiment venir chercher tout ce que vous avez dans le fond de vos pores. Donc, c'est un très, très bon masque. J'ai hâte. J'ai quelques amis qui l'ont déjà... qui l'ont déjà testé. Et apparemment que ça laisse la peau avec un très, très beau fini. Par la suite, vous allez pouvoir utiliser le charbon aussi pour vous débarrasser de vos fruits et légumes, bien surtout des bactéries et des pesticides. Donc, vous allez verser une cuillère à soupe dans de l'eau et vous allez y tremper vos légumes pendant environ 10 minutes. C'est sûr que par la suite, inquiétez-vous pas, vous allez devoir rincer vos légumes et vos fruits, mais de façon abondante aussi, mais par la suite, vos légumes vont être libres de bactéries et de pesticides. Donc, c'est un excellent nettoyant pour tout ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de votre corps. Vous allez pouvoir prévenir les lendemains de veille aussi avec le charbon. C'est un truc de grand-mère, mais apparemment, ça fonctionne. Donc, encore une fois, ça va être les petites capsules que vous allez utiliser pour pouvoir faire cette espèce de hangover cure. Vous allez utiliser les capsules que vous allez pouvoir trouver en pharmacie. Vous allez en prendre et apparemment que vous allez pouvoir mieux vous sentir lors d'un lendemain de soirées difficiles. Vous allez pouvoir vous faire une limonade détox. On va y mélanger en fait du jus de citron. On va y mélanger de la poudre de charbon active. C'est vraiment plusieurs recettes comme ça que vous allez pouvoir utiliser. Ça fait réduire aussi la mauvaise haleine. Donc, plus vous allez en prendre, si jamais vous avez des problèmes de mauvaise haleine, eh bien, plus vous allez consommer du charbon actif, plus votre mauvaise haleine va être réduite. C'est quand même cool, je ne savais pas du tout. Et vous allez pouvoir utiliser ça pour blanchir vos dents. Vous l'avez peut-être vu un petit peu partout, encore une fois, sur Internet. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur Facebook, entre autres. Mais on conseille de garder le charbon activé 5 à 10 minutes sur vos dents pour ensuite vraiment très, très bien rincer. Vous allez aussi bien brosser. Et le brossage du charbon sur les dents répétées, faites attention, ça peut abîmer l'émail. Donc, il ne faut pas le faire trop, trop souvent. On s'entend, c'est environ une à deux fois semaine pour justement arriver à pas trop maganer l'émail de nos dents. Et vous allez pouvoir absorber les mauvaises odeurs aussi dans votre frigo. Tu sais, dans le temps, on mettait de la petite vache dans le fond du frigo, là, dans une petite boîte. Là. Sûrement que votre mère avait déjà fait ça, mais on mettait une boîte dans le fond. Bien, vous allez la placer en fait en coupelle dans le fond de votre réfrigérateur et ça va absorber les mauvaises odeurs. Vous allez pouvoir aussi en mettre dans le fond de votre panier à fruits. Ça devrait ralentir la maturation des fruits qui parfois est beaucoup trop rapide lorsqu'on décide d'acheter une tonne et une tonne de, je sais pas moi, de clémentine ou des pommes et tout ça. Parfois, ça peut faire pourrir les fruits beaucoup plus rapidement. Et bien là, à ce moment-là, le charbon pourrait peut-être vous sauver quelques petits... quelques petits imprévus comme ça au moment où tu te dis « Ah, je vais me prendre une clémentine » puis là, tu te rends compte qu'il y a comme 8 amis au dos de ta clémentine. C'est un petit peu une utilité du charbon qui peut vous être très utile. Avant de passer à une pause et de continuer l'émission, eh bien, sachez qu'au retour, on va discuter de certaines choses que l'on peut faire au lit qui peut bénéficier notre santé, qui peut être bénéfique pour nous, mais je vais pas vous parler de choses obscènes à 8 heures le matin, ne vous inquiétez pas. Ça va plutôt être une situation qui va être bénéfique, en fait, à votre santé. Tout ça au retour de la pause. Side to help avoid the outside. just checking in. Nothing much with me is new. I'll check again in another month or two. But I thought I'd let you know you're on my mind with no curse of time. I listened to some of our records yesterday. If you wanted to, I'll come up there and play. But I know that's not where you're at today. Stay calm in your quiet getaway. Long gone are the days, they've all passed away. Gone are the days, they've all passed away. Oh yeah. Vous êtes toujours dans l'émission Assemblage requis à C'est fou 89.1 FM. Avec moi en studio, j'ai Alassania qui est arrivée. Bon matin. Bonjour. Alassania, ce matin, dans ta chronique Le bus magique, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Je vais parler d'une nouvelle qui a fait un tollé ces dernières semaines. C'est une nouvelle qui relève de la science-fiction. C'est la greffe d'une tête sur un autre corps humain. Mm-hmm. Ouais. On en a discuté un petit peu la semaine dernière dans l'émission, à savoir qu'est-ce qui se passait de ce côté-là, surtout vers quelle date de l'année ça allait se passer. Mais aujourd'hui, tu vas nous en parler un petit peu plus de façon médicale, de façon avancement aussi du côté de la médecine. Est-ce que tu es prête pour ton intro? Oui. Ça m'a manqué. Ce matin, tu nous parles, en fait, de ce quasiment savant fou-là qui va faire une greffe de tête sur un autre corps, c'est ça? Oui, dans le fond, ils sont deux. C'est un neurochirurgien italien mm-hmm. et un neurochirurgien chinois qui vont collaborer pour l'exploit. Mais c'est vrai que la nouvelle est nouvelle, mm-hmm. mais la technique est en étude ou en cours ou en essai depuis 1970. Oh, OK, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Mais toujours, l'homme a toujours souhaité repousser les limites de la médecine puis repousser les limites de la maladie. Puis s'il y a des choses qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des essais un peu partout non, sur la ça. Planète. C'est juste que pour que ce soit publicisé, pour que ce soit publié, il faut beaucoup de preuves, etc. Mais là, les deux chirurgiens professeurs qui affirment qu'ils ont réussi l'exploit. En effet, le Sergio Canavero, c'est le professeur neurochirurgien italien. Mm-hmm. Il était rendu spécialiste des greffes de tête de souris. Oh mon Dieu, parce OK. Parce qu'en Italie, il ne pouvait pas aller plus loin avec un autre animal que la souris, parce qu'à cause des législations éthiques et... Donc, lui, il s'entraînait depuis 30 ans sur des souris, puis il avait réussi l'exploit. Ils ont réussi à greffer la tête d'une souris vivante oh, sur une autre souris vivante. Okay. Mais c'est en Chine, Xiao Pingwen, qui est aussi neurochirurgien, qui a réussi à transplanter la tête d'un singe vivant sur un autre singe vivant. OK. Puis, ils ont réussi à garder le singe 20 heures avant de les débrancher. Mm-hmm. Puis, les deux, ils affirment que les résultats étaient très concluants puis qu'ils sont prêts à passer à l'étape suivante qui est l'essai sur l'humain. Toutefois, à date, il n'y a aucun article scientifique qui est publié dans une revue scientifique de renommée pour donner les détails du protocole, etc. C'est pour ça que maintenant, le monde de la science en général, puis celui de la médecine, de la chirurgie, c'est encore mitigé parce qu'il n'y a aucune publication sur les détails. Mais il a été révélé que cet article, sans maintenant en traitement, il a été soumis à de prestigieuses revues médicales dans Surgery, puis ils sont en traitement et puis on s'attend à ce que dans les prochains mois, on va voir ces publications-là, justement avant la date de l'opération. Mais si on veut parler plus précisément de comment ça se passe, premièrement, le patient ne va pas être couché comme on voit toujours dans les opérations. Il va être soit assis, soit debout. Puis, on va couper les deux têtes, celle du donneur et celle du receveur. Bien entendu, le donneur doit être en mort cérébrale. C'est-à-dire que c'est son cerveau qui est mort, mais tout le reste des organes fonctionnent, ils ont été maintenus pour continuer à fonctionner. C'est le même principe lorsqu'on fait des greffes de les dents d'organes. On conserve la personne sur respirateur pour justement pour conserver les organes qu'on veut transplanter. Mais cette fois-ci, c'est tout le corps qu'on va transplanter. Pourquoi est-ce que maintenant que ça va être réussi, puis comme j'avais dit, il y avait un neurochirurgien américain qui avait essayé ça sur un chien en 1970. Pourquoi ça n'avait pas marché en 1970, que ça marcherait maintenant? Eh bien, parce qu'il y a une technologie dans la chirurgie qu'on utilise maintenant, puis qui n'était pas utilisée en 1970. C'est la circulation croisée ou le robotage des veines, etc. C'est une technique qui consiste à mettre le corps en hypothermie, descendre la température du corps jusqu'à 14-15 degrés, justement pour avoir un métabolisme le plus bas possible. Mm-hmm. Puis ensuite, on fait une circulation croisée, c'est-à-dire on raccorde, si on veut le terme, on raccorde les vaisseaux sanguins du receveur avec les vaisseaux sanguins du donneur. Fait que ce qui fait que on parvient, le temps de l'opération, on parvient à garder le cerveau du receveur, la tête de la personne qui va être implantée. On parvient à garder le cerveau en vie parce que quelques secondes de privation d'oxygène ou de sang du cerveau, et puis on peut avoir des lésions irréparables. Fait que c'est cette innovation qui a permis que on peut garder le cerveau du receveur pendant des heures et des heures, le temps de raccorder tout ce qui doit être raccordé. Okay. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation qui est extraordinaire, c'est celle de l'utilisation du polyéthylène glycol. C'est une substance qui induit la fusion des fibres nerveuses. Déjà, c'est utilisé dans les cas quand il y a une amputation puis qu'on veut raccorder immédiatement, on utilise cette substance-là pour fusionner les fibres nerveuses. Et justement, les deux professeurs, ils comptent sur l'utilisation de cette substance-là pour raccorder les deux moelles épinières. OK. J'avoue. Ça pourrait sembler un peu comme du bricolage, puis on coupe, on raccorde, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il faut être extrêmement précis pour raccorder à la bonne place pour que les bancs nerfs sortent de la même de la bonne place de la moelle épinière si on veut avoir une innervation correcte et saine du corps après. Si tout se passe bien, après toute l'opération, après le fait de réchauffer le corps, remonter la température à la température normale qui est 36,6 jusqu'à 37 degrés, le patient va rester en coma de 4 à 6 semaines. Permettre au corps de retrouver toutes les fonctions, puis après, il va être en rééducation. OK. Puis il y a déjà un volontaire pour l'opération. Oui, c'est ça. On parle d'une opération quand même qui va prendre beaucoup de médecins. Si je me souviens bien, c'est aux alentours de 150 médecins puis une procédure de 36 heures. Minimum. C'est ça. Parce que c'est une opération qui fait appel à tout le corps humain. Fait qu'il faut avoir des médecins de toutes les spécialités et il faut avoir des équipes de médecins pour un roulement. Mm-hmm, parce qu'il n'y a aucune personne qui va pouvoir rester concentrée à 100% 36 heures et plus. Fait qu'il doit y avoir un roulement. C'est beaucoup, beaucoup d'entraînement. C'est vrai que ça, on dit que ça relève de la science-fiction, mais sur le point, dans la vraie vie, c'est un chantier énorme. C'est des gens qui s'entraînent jour après jour, des fois jour et nuit, pour pouvoir mener à bien cette entreprise bien ambitieuse. Ah oui, c'est sûr. On parlait aussi, bien, la semaine dernière, quand j'ai apporté le point, la réhabilitation, l'espèce de physiothérapie que justement le patient va devoir faire. Eh bien, la réalité virtuelle a été vraiment très, très d'aide de ce côté-là. C'est qu'on va pouvoir déjà, avec la réalité virtuelle, montrer aux patients ce que ça va pouvoir être que d'avoir ce corps-là et de faire une espèce de pré-physiothérapie grâce à ça. Exactement. Quelqu'un qui est sur fauteuil roulant depuis des années et des années, c'est très difficile dans sa tête de concevoir le mouvement. Mm-hmm. Fait qu'il va falloir, comme tu as dit, cette réhabilitation virtuelle pour apprendre au cerveau ce que c'est que de marcher, ce que c'est que d'être sur deux pattes avant d'apprendre aux muscles. Fait qu'il y a deux étapes d'apprentissage. Le premier qui concerne le cerveau et la conscience, la prise en conscience qu'on peut être sur pied. Puis la deuxième, c'est les muscles. Mm-hmm. Mais c'est là que beaucoup de médecins disent que ça pourrait induire un état de folie. Pourquoi? Parce que c'est on a ce qu'on appelle les traces mnésiques. Okay. C'est des traces soit de la douleur, c'est des traces de l'expérience que notre cerveau conserve. C'est une sorte de mémoire de nos cerveaux. Le problème, c'est que on va voir un cerveau qui a une certaine mémoire de la douleur, une certaine mémoire de ses membres, mm-hmm. puis on va lui donner des membres étrangers c'est à cette mémoire. Ouais. Fait que c'est toute cette... On peut pas dire comment ça va être parce que ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été documenté, mais on craint une sorte de démence, une sorte de folie, okay. au cas où le cerveau n'arrive pas à intégrer ou à accepter les membres. Est-ce qu'il y a d'autres risques que simplement cette démence-là? Tu sais, c'est une grosse chirurgie. Tout à l'heure, on disait que la première qui a été faite justement sur un singe, le patient, ils l'ont débranché, bon, après 20 heures et tout ça. Est-ce que du côté de tout ce qui va être receveur, donneur, ça peut ne pas fonctionner du tout? Oui, tout à fait. Ça peut ne pas fonctionner du tout. Ça peut... On peut perdre le contrôle sur l'hypothermie si l'opération dure plus que 36 heures. On peut avoir des problèmes de raccordage des deux moelles épinières. On peut avoir des problèmes de circulation croisée si jamais la circulation ne marche pas ou il y a un arrêt de circulation, ne serait-ce que quelques minutes ou quelques secondes, ça pourrait nuire au cerveau de la tête qu'on va implanter. Mm-hmm. Puis si tout ça marche super bien, le patient pourrait juste seulement ne pas se réveiller de son coma. Ouais, c'est ça. Fait que les risques sont énormes, mais on s'entend aussi que c'est la personne qui s'est portée volontaire, je dirais pas que c'est un acte de désespoir, mais ça le frôle. Parce que c'est comme, des fois, on se dit, mais qu'est-ce que la personne va perdre finalement? Mais il y a des médecins qui ont dit que si tout réussit puis que la personne se réveille, ça pourrait être un sort bien pire que la mort. Okay. Parce qu'on va être comme avec des membres qui ne nous appartiennent pas. Le fait de les accepter, premièrement, ça va être le plus gros défi de la personne. Et ensuite, l'acceptation sociale. Est-ce que la personne va être vue comme une foire dans la société? Est-ce que ça va être vu comme un Frankenstein des temps modernes? Ben, c'est ça, oui, exactement. Ça ressemble à ça pas mal. Exactement. Fait que c'est ça qui fait que... du côté éthique, il y a pas mal de questions qui sont soulevées puis qui continuent à être soulevées. Puis pour ça, le neurochirurgien italien, il s'est associé à un philosophe historien des idées, Giuliano Mori, qui travaille notamment sur le changement d'identité après réception d'un nouveau corps. OK. Donc, il y a aussi un volet philosophique puis un volet éthique qui est en préparation. Mais le fait qu'on soit devant une expérience tout à fait nouvelle, sans précédent, ça laisse la communauté scientifique très mitigée, comme j'ai dit, parce que c'est pas documenté, on ne sait pas comment non, ça va être. Non, c'est ça, exactement. Ben, on a parlé des risques, on a parlé de tout ça. Du côté du patient, comment est-ce que tu crois que lui vit ça? Tu sais, c'est lui qui a décidé de faire cette fameuse procédure-là. Mais à un certain point, lui aussi, tu sais, il doit entendre les débats. Il doit être mitigé à un certain point. Ben, sûrement. Moi, je me mets à sa place. C'est sûr qu'il doit être mitigé. Mais vu tous les efforts qu'il est en train de déployer pour justement amasser de l'argent, parce que c'est une opération qui va coûter extrêmement cher côté installation et tout, fait que lui, il a besoin d'environ 20 millions de dollars, fait qu'il est en plein financement pour amasser l'argent qu'il faut. Mais en même temps, le Vladimir Spiridonov, il a une maladie dégénérative. C'est une maladie qui fait qu'il a perdu le contrôle de sa moelle épinière, il a perdu le contrôle de son corps, puis ses muscles sont en amyotrophie continuelle. Il rapetisse de jour en jour, fait qu'à un moment donné, à la fin, il va rester de lui que la tête. Ouais, c'est ça. Je veux pas être méchante, mais si on veut vulgariser le tableau, c'est ça qui arrive. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a plus à perdre que ce qu'il vit actuellement? Mais ça, c'est il vit une condition médicale. Mais après, ça va être une condition médicale et une condition éthique et une condition sociale. Il y avait beaucoup de travaux en sociologie qui ont été faits sur les greffes de cœur, par exemple. Ouais. Voir au-delà de la greffe comment la personne, elle continue à vivre, comment la personne, elle réagit. Et ça a prouvé que c'était vraiment pas facile. Les personnes sont toujours mitigé parce qu'en réalité, c'est une vie pour une autre. Tu attends qu'une personne meure pour avoir son cœur, hélas, son corps, pour continuer à fonctionner. Et il y avait eu beaucoup de reportages, puis les gens disaient qu'ils se demandaient comment la famille de la personne qui est décédée continuait à vivre, ouais, etc. Là, c'est une greffe de cœur qui soulève toutes ces questions-là. Fait que je me demande une greffe de corps, ce que ça va soulever comme questionnement social, comme acceptation de soi. Est-ce qu'on pourrait arriver à tout simplement refuser que la procédure soit faite du côté, que ce soit du côté de la médecine ou que ce soit du côté de la sociologie? Est-ce que les gens peuvent s'opposer au point où que ça se produira pas? Techniquement, c'est possible. Dans tous les hôpitaux, il y a des comités éthiques. Si la communauté scientifique et éthique internationale juge que ça dépasse les limites du possible ou les limites de l'acceptable, comme il pourrait y avoir des pétitions, il pourrait y avoir des communiqués qui interdiraient ce genre d'opération. Mais ça n'empêcherait jamais les laboratoires ou les hôpitaux clandestins à continuer ce genre d'expérience. Ce qui nous mène à la question que où est-ce que la science devrait arrêter? Ouais, exact. Est-ce que la médecine devrait arrêter? Ce n'est pas parce que c'est possible, scientifiquement c'est possible, techniquement qu'on devrait le faire. C'est là qu'on se rend compte que du côté éthique, il y a beaucoup encore à faire. Les recherches ne sont pas si florissantes que ça pour vraiment aider le simple citoyen à voir qu'est-ce qui fait la différence entre le fait de sauver quelqu'un et l'acharnement médical. Tu parlais justement d'acharnement médical et tout ça. Tu baignes dans la santé depuis des années. Je vais te poser la question parce que si tu veux pas répondre, tu me réponds. Mais est-ce que toi, tu es pour cette opération-là ou tu crois qu'il y a beaucoup plus de côté négatif que de côté positif à ça? Mon avis personnel, moi, je suis contre ce genre d'opération. OK. Parce que je trouve que ça dépasse les limites de l'éthique, puis ça ouvre la porte à du bricolage de l'être humain. C'est triste ce qui arrive à Valérie Spiridonov. Mais en même temps, il y a beaucoup de recherches qui sont en cours pour les maladies de ce genre, qui sont des recherches, j'avais parlé dans une chronique précédente de la thérapie génique modifier les gènes pour... Quand on dit modifier les gènes, c'est pas un bricolage de gènes, mais de trouver le gène défaillant et le remplacer par la forme correcte du gène. C'est sûr que c'est des recherches de longue haleine, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de financement, beaucoup de beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens qui veulent faire ça. Mais c'est, il faut voir que chaque année, chaque personne apporte une pièce dans le puzzle, puis à un moment donné, ça va arriver. Donc, aller avec des solutions drastiques comme celle-là, comme des greffes de tête, moi, je pense que ça frôle la folie, puis ça frôle ça frôle la science-fiction. À un moment donné, c'est, comme je l'avais dit, moi, c'est, je dis toujours, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, il faut se demander, c'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire. C'est quasi de la folie, tu sais, on parle justement de la science-fiction et tout ça. Ça frôle justement là, la folie de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec deux corps complètement différents. Exactement. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est très gentil d'être venu nous en parler de façon un petit peu plus médicale, justement. C'est très apprécié. J'ai hâte de voir, justement, s'ils vont arriver à pouvoir le faire ou s'ils vont arriver à, pas nécessairement le faire, mais peut-être à changer d'idée, tout simplement, que ce soit le receveur, le patient lui-même ou l'équipe de médecine autour. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'à un certain moment, on va apprendre que la décision a été prise de pas procéder à l'opération. Ben, je l'espère aussi. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne semaine. Merci. Comme je le disais tout à l'heure, au retour, on va parler, nous aussi, peut-être un petit peu de santé. En fait, on va parler de joindre l'utile à l'agréable parce que, vous savez, lorsqu'on est peut-être pas nécessairement lâche, là, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais lorsqu'on est dans notre lit, parfois, on est bien d'être dans notre lit, on veut pas nécessairement en sortir. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose de bénéfique pour notre santé en même temps qu'on reste dans notre lit? Eh bien, on va savoir tout ça au retour, mais pour le moment, on va aller écouter Émile Bilodeau avec « Tu me dirais-tu ». Dans ma vie, j'ai connu des hauts et des bas. J'ai eu des zéros et des hauts. J'ai reçu des gauches et des droites. J'ai daté des bouches maladroites. Mais je me souviens d'absolument rien. À part que j'ai jamais été bright et que j'aime caler des causes light. Et pour ma part, je considère que je suis mort depuis hier. Car j'étais fou de toi et j'étais fou de joie. Mais tu m'as trompé, c'est pour ça que j'ai dû te crisser là. Oh, fait que tu me dirais-tu? Ça valut la peine, tu me dirais-tu? Si la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Hey. Hey. Hey. Et j'ai appris à mes dépens que les lendemains veillent étaient tough. Et puis qu'apparemment que le soleil c'est un esti de show-off qui fait que les matins ils se meurent. Oh, lorsque vient de passer 11 heures, à cause de lui il fait beau. Puis à soir j'ai un show dans un bar. Je vais pouvoir faire mes chansons, je paye en bière de toute façon. Hey. Je vais pouvoir boire pour oublier sur le dos de mon employeur mes sentiments refoulés comme la poutine puis la peur. Et puis les filles sont jolies, puis ma carte de crédit est complètement loadée à force d'essayer de tout vouloir les cruiser. Mais comment faire pour t'oublier? Hey, hey, hey. Oh, fait que tu me dirais-tu? Si ça valut la peine, tu me dirais-tu? La longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Hey, hey, hey, hey. J'ai fait un gros feu de joie avec des photos de toi. Mais ce n'était pas tes plus belles. Fait que prends les pas personnels. Anyway, j'ai gardé tes pics de chicks dans ma chambre. Je sais, c'est triste. Oh, et c'est dur à comprendre. Hey! Oh, mais le printemps a ben de la peine. D'ailleurs, j'ai perdu mes mitaines. Puis tout le monde dans le bar est un peu saoul. Puis dehors, il pleut des clous. Oh, fait que tu me dirais-tu si l'avenir nous réserve de quoi de beau? Oh, tu me dirais-tu hey, hey, ce qu'annonce la météo. C'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Assemblage requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Toi aujourd'hui. Toujours Tania Baudin à l'antenne de C'est fou 89.1 FM. On est encore ensemble pour la prochaine heure. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va jaser au téléphone avec Mathieu Plante. Il devrait nous présenter ses deux mots de la fin de semaine. J'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. Si jamais ça vous intéresse de savoir quels étaient ses mots cette semaine, bien du moins la semaine dernière, allez faire un petit tour sur la page Facebook d'Assemblage Requis parce que Mathieu, à distance, nous les programmait. Donc, ils sont tous sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Ce sont tous des mots qu'il a pris de sa condition présente, c'est-à-dire être pris à la maison à la suite de s'être cassé le bras. C'est loufoque, vous allez voir, on adore ça. Et il va nous en présenter probablement d'autres tout à l'heure. J'ai bien hâte d'entendre ça. C'est le moment de discuter, en fait, ou du moins de continuer dans la lignée qu'Alassania nous a partie. On va continuer à jaser un petit peu santé, parce que vous savez, du côté de la santé, du côté du fitness, et tout ça. La mode est un peu à être en forme, à prendre soin de soi. C'est pas nécessairement une mode, mais c'est sûr que c'est utile, bien évidemment. C'est surtout bénéfique pour nous tous. Donc, parfois, lorsqu'on est en train de dormir ou lorsqu'on se réveille, on veut pas nécessairement sortir de notre lit, mais on veut quand même joindre l'utile à l'agréable et rester en santé. Donc, j'ai pour vous quelques idées d'exercices que vous pouvez faire sans avoir besoin de sortir de votre lit. Là, je sais que si Mathieu nous écoute présentement, ce sont probablement des choses qu'il va retenir, parce que Mathieu et moi, on en parle souvent, mais tu sais, dormir parfois, c'est le fun, puis tu veux pas nécessairement devoir te changer pour t'entraîner et tout ça. Donc, on se dit, tant qu'à passer autant de temps dans son lit, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable et s'y entraîner aussi. Bon, il y en a que d'autres façons de s'entraîner que ça au lit, mais sachez que c'est possible de le faire. Il n'y a aucun endroit au monde qui nous réconforte, en fait, comme nous réconforte notre lit. C'est, en fait, sûrement certains endroits préférés de plusieurs personnes dans le monde. Et quand on n'est pas à l'extérieur de notre maison, eh bien, c'est dans notre lit, la plupart du temps, qu'on va passer le plus grand nombre de temps, ça ou notre divan. Pour certains, on va y lire, on va dormir, on va écouter nos séries télévision préférées aussi. Certains y travaillent parfois, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu de travail sur notre ordinateur et tout ça. Donc, on n'est pas en train de se dire que de laisser le gym, c'est mieux, mais quand même, parfois, on a des journées où que... ça nous tente moins, puis ça nous tente plus, en fait, d'écouter Netflix puis de rester en pyjama. Donc, si on pense réellement à se remettre en forme juste en faisant ces exercices-là, eh bien non, vous vous mettez un doigt dans l'œil, là, vous allez devoir faire un petit peu plus de travail que ça. Par contre, c'est sûr que si vous restez couché dans votre lit, que vous aimez votre lit et que vous vous dites « bon, c'est un strict minimum que je veux faire », eh bien, ces exercices-là peuvent très bien vous aider. Le premier, c'est le crunch papillon. Donc, en fait, vous allez être allongé sur le dos. Là, on s'entend, on est dans le lit, hein, fait que vous, pas, vous avez un matelas. Vous allez être allongé sur le dos, vous allez placer vos plantes de pied ensemble pour qu'elles soient face à face et vous allez lever légèrement les jambes du lit pour créer une forme de papillon et vous allez faire un redressement vers vos jambes. Donc, quasiment un redressement assis, mais vous n'allez pas vous relever au complet. Vous allez répéter ça 10 fois. Par la suite, le deuxième exercice, c'est ça s'appelle le roll-up. Vous allez être allongé à plat sur votre lit. Vous allez étirer vos jambes droites et vos bras directement au-dessus de votre tête. Et très lentement, vous allez soulever juste à temps que vous ayez une position assise en atteignant vos bras vers le bas comme pour toucher vos orteils. Donc, vous allez, si on comprend bien, là, vous avez vos bras au-dessus de votre tête, vous êtes couché à plat, vous vous asseyez et vous allez toucher vos orteils. Vous allez faire ça de façon très lente et en comptant jusqu'à 5. Par la suite, vous allez redescendre vers votre lit jusqu'à revenir dans la position couchée de départ, mais toujours une fois très lentement, ce qui va faire en sorte que certains muscles de votre corps vont travailler et vous allez répéter ça encore une fois 10 fois. Par la suite, le troisième exercice que vous pouvez faire toujours dans votre lit, c'est le criss-cross. Vous allez être allongé sur le dos, vous allez mettre vos deux mains derrière votre nuque et vous allez lever une jambe à 90 degrés dans les airs et apporter votre épaule inverse sur votre genou. Donc, vous allez prendre votre bras, vous l'amener vers votre genou, tu sais, ça peut pas être plus clair que ça. Et vous n'oubliez pas surtout de soulever vos omoplates du lit. Vous allez encore une fois répéter 10 fois, mais attention, de chaque côté. Donc, ça amène 20 fois au total. Et c'est très, très ressemblant, mais ça va être difficile aussi parce que lorsque vous êtes couché dans votre matelas, vous n'avez peut-être pas nécessairement la même, le même tonus que lorsque vous faites de l'entraînement, par exemple, au gym. Donc, à un certain moment, ça peut devenir plus difficile. Le quatrième exercice que vous pouvez faire tout en restant dans votre lit, eh bien, c'est la planche. Je pense que tout le monde connaît cet exercice-là qui est de faire la planche, mais on va vous dire comment la faire pareil. Vous allez vous positionner, oui, face au lit, le ventre en direction du sol et vous allez devoir vous tenir en équilibre sur vos coudes et les pointes des pieds pour former la fameuse planche. Vos bras et vos avant-bras doivent conserver un angle de 90 degrés et vous devez éviter de soit cambrer ou forcer le bas du dos. Vous ne devez pas faire ça et vous allez expirer en rentrant le ventre et vous allez tenir votre position. Attention, pas 15 secondes ou 20 secondes. Non, non, vous allez la tenir le plus longtemps possible. Et si jamais il y a quoi que ce soit, il existe plusieurs variantes de cet exercice-là. Vous pouvez aller chercher sur Internet. Si vous vous dites, bon, tu sais, moi, la planche, là, je trouve pas ça super le fun, bien, il y a d'autres variantes pour cet exercice-là. Par la suite, le cinquième exercice que vous pouvez faire, c'est le crunch renversé. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Si vous allez croiser vos chevilles dans les airs et vous allez soulever le bas de votre corps du sol. Bien, à ce moment-là, le sol, c'est votre matelas. Donc, vous allez garder vos mains à plat sur votre lit. C'est comme si vous alliez, en fait, pousser vos jambes vers le haut tout en gardant votre dos à plat sur le matelas et vous allez encore une fois répéter l'exercice 10 fois. Le sixième exercice, c'est le vélo ou les jambes allongées. Je pense que tout le monde sait comment faire la fameuse exercice du vélo. Vous allez toujours être dans votre lit, mais cette fois-ci, vous allez être allongé et complètement allonger vos jambes aussi. Vous allez soulever de façon légèrement le haut de votre corps afin d'amener vos épaules droites vers la jambe opposée. Vous allez changer de côté et faire durer la séquence jusqu'à temps que vous sentiez une espèce de brûlure au niveau de vos abdominaux et vous allez répéter 10 fois de chaque côté. Encore une fois, c'est très facile. Ce ne sont pas les exercices qui vont vous donner un corps d'Apollon ou un corps de déesse demain matin. Sauf que ce sont parfois des alternatives qui sont très drôles à faire. Drôles et surtout, ça va vous garder en forme pareil. Par la suite, le septième exercice, il en reste que deux après ça, c'est l'élévation des hanches. Vous allez vous allonger sur votre matelas, les genoux pliés et les talons très près de vos fesses. Par la suite, les bras, vous allez les avoir le long de votre côté et les paumes vers le bas. Donc, vous allez avoir vos bras à côté de chaque côté de vous. Et pendant que vous soulevez les hanches vers le ciel, vous allez appuyer sur vos talons. Je vous rappelle, vous êtes dans un matelas, donc ça peut être un petit peu plus difficile au niveau de la motricité et tout ça. Vous allez serrer les fesses lorsque vous allez soulever les jambes. Encore une fois, vous allez répéter 10 fois pour chaque jambe. Mais ça, c'est un excellent exercice que vous pouvez faire un petit peu partout. C'est sûr que si vous êtes dans un centre d'achat, faites pas ça, là. Ça se peut que vous ayez l'air un petit peu fou. Mais dans votre lit, c'est extrêmement facile à faire et vous pouvez le faire aussi plusieurs, plus que 10 fois si jamais vous, ça vous intéresse. Vous vous dites, bon, ce matin, je pense que je vais all-in dans l'entraînement dans mon lit. Bien, vous pouvez le faire, par exemple, 20 fois. Le huitième exercice, c'est le ciseau. Donc, vous allez vous allonger sur le dos avec les mains sous vos hanches et les paumes vers le bas. Vous allez amener vos deux pieds dans les airs et pointer vos orteils vers le haut. Et vous allez devoir garder les deux jambes aussi droites que possible. Et vous allez contracter votre corps pour que, justement, vos abdominaux travaillent fort pendant que vous abaissez la jambe vers le lit. Vous n'allez pas toucher votre matelas et vous allez ramener votre jambe en position de départ. Donc, sans nécessairement avoir le temps de vous reposer entre guillemets, vous allez ramener votre jambe, vous allez partir l'autre jambe et ainsi de suite. Vous allez faire ça pendant 10 fois de chaque côté. Encore une fois, le chiffre 10 est un excellent chiffre ici pour ces exercices-là. Le dernier exercice que vous pouvez faire au lit, ça s'appelle le Diamond Reverse Crunch. Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, vous allez être allongé sur le dos avec les bras le long de chaque côté de votre corps, les paumes vers le bas encore une fois, et vous allez apporter vos pieds ensemble et ouvrir les genoux sur le côté, de sorte que l'espace entre vos jambes va ressembler à un diamant. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever les hanches du matelas pour amener vos pieds vers le haut, vers le plafond. Donc, tout en gardant le contrôle, vous allez ramener les hanches sur le matelas et vous n'allez pas laisser tomber vos pieds. Non, non, vous les gardez ensemble. Vous répétez l'exercice encore 10 fois. Vous allez faire ça. Ça peut faire extrêmement mal si vous le faites plus de 10 fois. C'est quelque chose qui est quand même très, très drôle. Puis, si vous souhaitez sortir de votre lit après ça, bien, vous allez déjà vous sentir beaucoup plus réveillé. Vous allez vous sentir mieux et vous n'allez pas vous sentir comme si vous n'aviez pas travaillé, tout simplement. Vous allez avoir fait un workout qui en valait la peine. Si on reste dans le domaine de la santé, eh bien, j'ai une amie qui m'a envoyé ça un petit peu plus tôt la semaine dernière. J'ai trouvé ça quand même drôle. Vous savez, on est comme dans l'ère des défis, on est comme dans l'ère de tout ce qui se passe. Je te lance un défi de bien manger pendant X temps, je te lance un défi de faire ci, il y avait le 28 jours sans alcool qui a été un défi. Cette amie-là et moi avons fait ce défi de 28 jours sans alcool et là récemment, elle m'a envoyé le fameux défi santé. Qu'est-ce que c'est exactement? Le défi, en fait, est connu un petit peu partout. Vous pouvez voir certaines publicités à la télévision vous en parler, mais le défi santé, c'est 6 semaines avec 3 objectifs. Donc, c'est le moment de participer. C'est un rendez-vous annuel. Ça touche tous les Québécois et vous allez mettre votre santé en priorité. Donc, concrètement, si vous décidez de participer à ce défi-là, bien, vous allez vous engager à poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 30 mars au 10 mai. Donc, c'est déjà commencé, mais là, on est le 3 avril. Donc, si vous voulez embarquer présentement, c'est encore possible de le faire. Et vous allez devoir atteindre 3 objectifs. C'est-à-dire, premier objectif, ça s'appelle l'objectif 5. Vous allez devoir manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Par la suite, le deuxième objectif, ça s'appelle l'objectif 30. Vous allez devoir bouger au moins 30 minutes par jour et pour les plus jeunes, c'est au moins 60 minutes par jour. Je sais plus si je calculais dans les jeunes maintenant que j'ai 25 ans. Faudrait que je vérifie au sein de leur règlement. Par la suite, le troisième objectif, ça s'appelle objectif équilibre. Vous allez essayer de favoriser votre sommeil chaque jour pour faire en sorte que tout ça se mette en place et que vous mettiez vraiment votre santé à cœur. Il y a des prix à gagner, il y a 15 000 $ de prix à gagner. En fait, si vous participez à ce fameux défi-là, je vais vous laisser aller voir par vous-même sur le site Internet. C'est très facile, c'est le www.defisanté.ca. C'est très intéressant pour mieux manger, vous faites mieux manger en famille. Donc, si vous mangez de façon, par exemple, tout le monde ensemble, il y a un seul repas par jour, eh bien, vous pouvez amener certaines idées à la personne qui cuisine ou encore, vous pouvez vous-même faire à manger pour les personnes qui vont être autour de vous. Donc, sans nécessairement vous dire « Oh non, là, je suis obligée de manger comme eux », bien, c'est vous qui allez les amener à faire le défi un petit peu plus par jour et c'est comme ça que vous allez peut-être même arriver à les faire inscrire à ce fameux petit défi-là. Si vous allez sur le site Internet de Défi Santé, vous avez plusieurs idées de recettes que vous pouvez essayer vous-même. On vous explique d'ailleurs c'est quoi une portion. Donc, tu sais, quand on dit 5 portions de fruits et légumes, c'est un guide pratique, en fait, pour savoir à quoi correspond une portion de fruits ou de légumes. Si vous mangez un légume ou un fruit moyen de la grosseur d'une balle de tennis, eh bien ça, c'est une portion. Si vous y allez, par exemple, avec une demi-tasse, c'est-à-dire 125 ml de légumes ou de fruits frais, surgelés ou en conserve, eh bien ça vous donne une portion. Si vous y allez avec une tasse de légumes en feuilles, parce qu'on parle épinards, laitue et tout ça, ou une demi-tasse de légumes cuits, bien ça vous donne une portion. Si on y va avec une demi-tasse de vrai jus de fruits ou de légumes sans sucre ajouté, vous avez une portion de fruits ou légumes. 5 par jour, comment est-ce qu'on peut arriver à manger 5 portions de fruits et légumes par jour? En fait, c'est très facile. Il suffit de manger des fruits ou des légumes à chaque repas. Donc, par exemple, au déjeuner, vous allez manger un fruit ou un jus de fruits. Ça vous donne une portion. Au dîner, vous allez pouvoir, par exemple, manger une salade ou des crudités et un dessert qui va comporter des fruits. Vous allez aller chercher 2 portions. Au souper, vous allez pouvoir avoir, par exemple, un potage ou une salade. Et vous allez pouvoir aussi avoir un dessert qui va comporter des fruits. Alors là, vous allez aller chercher encore une fois 2 portions. Un total de 5 portions par jour. Vous complétez au besoin avec des collations si jamais vous êtes du style à moins manger durant vos repas. Donc, vous pouvez aussi bien manger vos fruits et légumes en tant que collation parce que c'est la combinaison des deux types d'aliments qui procure le maximum de bienfaits. Donc, par exemple, 3 portions de légumes et 2 portions de fruits, c'est quand même assez facile. Si jamais vous vous rendez sur le site Internet du défi, vous avez plusieurs guides qui sont téléchargeables. Vous allez pouvoir justement faire un petit peu le tour de tout ça et ça va vraiment être j'ai comme le goût de dire facile. C'est sûr que pour certains c'est pas nécessairement facile, mais quand même vous allez pouvoir voir. Et si vous y allez pour le côté de plus bouger, bien là aussi, vous allez avoir quelques petits trucs. On parle entre autres de la marche qui peut devenir un excellent exercice pour plusieurs. Si vous êtes du genre à pas nécessairement y aller pour courir ou peu importe, vous pouvez tout simplement bouger en marchant, donc faire des marches à chaque jour. Ça va faire partie de ce fameux défi-là. Si on parle aussi du sommeil, eh bien, de garder l'équilibre, c'est nourrir toutes les faire de sa vie, c'est-à-dire travail, amour, loisirs, et c'est s'investir aussi dans chacun de ces aspects-là en s'assurant de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est aussi être mieux outillé pour faire face aux exigences du quotidien, donc de gérer son stress, d'avoir des relations qui vont être enrichissantes avec les autres et avec soi-même. Et le sommeil, c'est quand même assez vital. C'est une quantité et une qualité de sommeil adéquate qui sont essentielles à notre santé. Et selon un sondage, il y a 32% des Canadiens qui rapportent souffrir du trouble de sommeil. Il y en a 36% qui disent ne pas trouver le temps de dormir 8 heures par nuit et 58% qui déclarent être souvent fatigués. Mais pourtant, une quantité et une qualité de sommeil adéquate, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir un bien-être qui va être bien développé. Donc, un sommeil réparateur, lorsqu'on dort, notre corps travaille. On va être en train de faire le plein d'énergie. On va lutter pour les infections, contre les infections. Notre peau va être en train de se refaire une beauté. Notre cerveau, lui, va gérer la mémoire, les apprentissages, le stress, les émotions. Et au réveil, après avoir bien dormi, vous allez vous sentir beaucoup plus alerte. Vous allez vous sentir beaucoup plus performant. Vous allez être beaucoup moins stressé et vous allez être de meilleure humeur. Donc, pas question de se passer de cet élixir de bien-être-là, surtout que le manque de sommeil, c'est associé à un un plus grand risque de développer des problèmes de santé, dont par exemple l'obésité, le diabète, maladies cardiovasculaires, les infections. Et un adulte a besoin d'environ 8 heures de sommeil par nuit. Ça fait des années que plusieurs personnes le disent, plusieurs médecins le disent. C'est rare qu'on le fait. Mais pour certaines personnes, 6 heures va suffire. Pour d'autres, ça va être 10 heures pour mieux se sentir. Donc, la qualité du sommeil, ça a aussi son importance. Et d'avoir des nuits agité ou entrecoupé de réveils fréquents, c'est pas très, très reposant. Il faut surveiller les signes. Donc, on sait que si on a assez dormi quand on se sent reposé au réveil, si vous rêvez de vous rendormir lorsque votre réveil matin sonne, si devoir sortir de votre lit vous semble extrêmement pénible ou si vous bâillez toute la journée, pardon, si vous vous sentez irritable aussi ou hypersensible, c'est peut-être que vous manquez de sommeil, alors ça vaudrait la peine d'analyser de plus près votre situation côté sommeil et de remédier à la situation. C'est un beau défi, je pense que plusieurs personnes devraient s'y inscrire. Ça coûte absolument rien, en fait, de vous inscrire à ce défi-là. C'est vraiment juste de pouvoir le faire, de pouvoir voir comment ça va se passer et vous allez pouvoir aussi profiter du défi santé. Pour si on y va du côté du travail, vous allez pouvoir aussi le relever au travail en équipe. Si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir inscrire votre équipe. Vous allez pouvoir vous faire des équipes. Donc, moi puis mon ami, bien, on le fait pas de façon individuelle, on le fait ensemble. On est une équipe et on peut y ajouter des gens. Donc, s'il y a des gens qui par exemple, je sais pas moi, mon père et ma mère voudraient embarquer avec moi, Mathieu voudrait embarquer avec moi, eh bien, on pourrait les intégrer dans notre équipe et de cette façon là, ça peut nous donner quelques bonnes façons de s'entraider dans tout ça et surtout de ne pas lâcher prise. Hein? C'est un défi santé qui est bénéfique pour tous et je pense que c'est le fun de voir à quel point les gens peuvent tout simplement s'y changer quelque chose à leur mode de vie quotidien. Il y a plusieurs personnes qui le font, plusieurs Québécois qui se sont inscrits. Moi, je vous invite en fait à vous inscrire. C'est comme je le disais, c'est un beau défi. Ça va vous amener peut-être certains objectifs tout simplement personnels. Pourquoi est-ce que vous devriez vous inscrire? En fait, ça va vous permettre de vous motiver. Parce que, tu sais, il y en a qui disent « Ouais, mais si j'ai pas besoin de payer, à quoi est-ce que ça sert de m'inscrire? » Bien, ça va vous motiver. Vous allez pouvoir obtenir du soutien qui va vous aider à poser des gestes qui vont être simples pour justement mieux manger, mieux bouger, garder l'équilibre. Et vous allez découvrir toutes les raisons de bien vous inscrire. C'est sûr que si vous voulez bénéficier des prix qu'il y a à gagner, eh bien, vous devez en quelque sorte vous inscrire pour pouvoir les gagner. Donc, ça vous propose de vous mettre en priorité pendant 6 semaines, de poser des gestes qui vont être concrets pour améliorer nos habitudes de vie. Et on arrête avec les « ben, j'ai pas le temps » ou « je devrais » ou « ouais, je le fais ». Inscrivez-vous, c'est la première étape du défi. Par la suite, vous allez pouvoir passer à l'action. Je vous invite à le faire. Je pense que je vais envoyer tout ça sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Vous allez voir un petit peu plus tard dans l'émission, ça va être sorti. Et comme je le disais, ça va peut-être vous amener à faire quelques changements pour votre bien-être, votre meilleur vous. C'est ça. Pensez à vous comme si vous vouliez devenir la meilleure version de vous-même. Et par la suite, allez vous inscrire sur le site Internet. Au retour, eh bien, on va discuter d'emploi dans le monde de la communication. Mais pour le moment, on va aller écouter Gabriel Noël avec le 7 juin. Souvenir. les 7 juin, Gabriel Noël, avec Lydia Kepi, une pièce qui est dans le palmarès francophone depuis déjà quelques temps maintenant, mais on monte de plus en plus pour Gabriel Noël au palmarès. Alors, si jamais ça vous intéresse, c'est demain après-midi que ça devrait être en onde. Malheureusement, je ne pourrai pas l'animer encore une fois. J'ai quelque chose d'autre, mais ça va revenir bientôt parce que Mathieu Plante va revenir à un certain moment. Donc, on devrait pouvoir avoir une émission live des palmarès francophones. Mais si jamais ça vous intéresse, sachez-le, pareil, il y a une émission qui est faite, l'émission est montée et tout ça. C'est juste que vous allez avoir de la musique de façon exceptionnelle pendant 3 heures au lieu d'avoir des interventions. Voilà. c'est le temps de parler d'emploi un petit peu, de communication et tout ça. Si vous êtes comme beaucoup trop de monde, en fait, aujourd'hui... Vous faites probablement présentement ou vous voulez faire ou vous avez fait des études en communication. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font des études en communication de plus en plus. Et vous le savez sans doute, la compétition, c'est quand même assez féroce dans ce domaine-là. Puis c'est aussi vaste, hein? On peut se ramasser à faire pas mal d'affaires dans le monde de la communication. Donc, si vous êtes la personne la plus talentueuse du monde et que vous savez que vous vendre peut aussi avoir un effet positif sur le fait que vous allez avoir une job exceptionnelle, eh bien, si vous manquez pas d'ambition, vous pouvez vous inspirer des 9 emplois que je vais vous présenter qui sont les plus payantes en communication. Mais attention, il y a pas juste le poste que vous allez occuper qui va influencer votre domaine, mais aussi la compagnie pour qui vous travaillez. Donc, on s'entend que dans une start-up, l'ambiance de travail et les responsabilités que vous allez occuper sont souvent super intéressantes, mais ça peut être pas mal moins payant que d'être, par exemple, dans un engrenage d'une grosse multinationale. Donc, ça va dépendre de ce que vous voulez, c'est sûr et certain, mais dans le monde de la communication, il existe des emplois qui sont extrêmement payants, extrêmement payants. Pour un domaine de communication, c'est les 9 emplois qui sont les plus payants en communication au Québec. Eh bien, le premier, c'est directeur ou directrice artistique. Donc, ça a un salaire maximum moyen d'environ 100 000 $ à 125 000 $ Ce qui est quand même bon, hein? C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Par la suite, vous avez producteur ou productrice qui est un salaire maximum moyen, lui aussi entre 100 et 125 000 $ par année. Par la suite, réalisateur et réalisatrice à la télévision. Donc, on joue dans les mêmes, dans le même créneau pour le montant annuel de ce domaine-là. Par la suite, vous avez traducteur ou traductrice. Ça se voit de plus en plus. Il y en a plusieurs qui le font maintenant. Salaire maximum moyen entre 100 000 et 125 000 aussi. Par la suite, agente d'information. Je vais vous avouer que j'ai tenté de chercher qu'est-ce que c'était qu'une agente d'information. Je peux pas vous dire. Malheureusement, les recherches ont pas été très, très... fructifiante, mais salaire maximum moyen entre 85 000 et 100 000 $ Par la suite, vous avez attaché de presse. Là aussi, on joue dans les mêmes créneaux d'argent, donc 85 000 à 100 000 $ Concepteur, rédacteur ou conceptrice, rédactrice publicitaire, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à 100 000 $ Par la suite, le 8e emploi dans les plus payants en communication, eh bien, scénariste, vous allez encore une fois, aller jouer entre les 85 000 et 100 000 $ et aussi webmaster qui est de plus en plus populaire. Hein? Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Il y a plusieurs personnes qui décident de faire une petite carrière sur le web présentement et on peut aller chercher un salaire qui va moyenner 85 000 à 100 000 $ Vous avez aussi tout ce qui est... Puis là, je vous dis ça comme ça, mais on n'a pas nécessairement de chiffres pour ceux-là. Mais vous savez, tout ce qui est start-up, tout ce qui est Internet ces derniers temps, eh bien, ça fait beaucoup bouger le monde de la communication. Ça peut aussi vous amener de très belles opportunités. Alors, le monde de la communication, c'est quand même, comme je le disais, un monde qui est vaste, mais qui peut être payant. Alors, faites les études requises et vous allez avoir beaucoup de plaisir. Au retour, on va discuter application mobile. Oui, oui, oui, application mobile et aussi on va jaser avec Mathieu Plante. Tout ça à C'est Fou 89 FM. Vous êtes assez fou. 89 FM. Au Donc oui, avant de discuter avec Mathieu Plante sur sa situation et sur ce qui se passe au niveau de son bras et ce qui se passe au niveau vocabulaire aussi avec tous ces mots de fin de semaine, eh bien on va jaser un petit peu application mobile parce que récemment, la semaine dernière, c'est une chronique que j'avais préparée et que j'ai pas eu le temps de vous présenter, mais ce sont tous des applications qui sont révolutionnaires pour certains. Je vais dire ça comme ça. En fait, ce sont tous des applications qui sont très, très, je veux pas dire populaires, mais qui peuvent vous aider à votre quotidien. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est Instant Translator. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un traducteur de voix et de texte de façon instantanée. Donc, si vous voulez continuer à communiquer avec les gens qui parlent pas nécessairement votre langage, avec Instant Translator, vous allez pouvoir communiquer au-dessus de 90 langages avec les gens autour de vous. C'est nouveau. Vous allez pouvoir le télécharger sur iTunes, par exemple, sur votre téléphone mobile. Vous avez des langues comme l'anglais, le français, l'allemand, le japonais, le coréen. Vous allez avoir aussi du chinois, de l'espagnol. Donc, tout ça, c'est possible grâce à cette fameuse petite application-là. Qu'est-ce que ça fait exactement? Bien, vous allez de façon instantanée parler un autre langage et l'application va vous dire les mots dans une autre langue. Donc, vous allez choisir la langue dans laquelle vous voulez savoir ce que la personne dit et à ce moment-là, votre application va vous écrire ce que la personne est en train de vous dire. Donc, vous allez aussi pouvoir taper ou copier un texte, par exemple, de vos emails ou de votre Facebook ou peu importe, et vous allez pouvoir le traduire de façon instantanée dans 90 langages. Pour ce qui est de la fonction auto ou de la fonction parole, eh bien, avec la fonction parole, vous allez pouvoir, par exemple, peser sur le bouton et savoir de façon instantanée ce que l'autre personne est en train de dire parce que du moment qu'elle va parler, votre téléphone va faire la traduction audio de ce qu'elle entend. Donc, on parle de 99 langages, 99 langues qui vont tous pouvoir être traduites sur votre téléphone et vous allez pouvoir aussi traduire toutes ces traductions-là, soit par email, soit par message ou soit par réseaux sociaux aussi, si c'est quelque chose que vous voulez garder. Donc, par exemple, que vous êtes en train de vous dire « J'ai de la difficulté à traduire, je sais pas moi, le statut de mon ami sur Facebook, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça dit. » Eh bien, votre application Instant Translator va pouvoir le faire pour vous et ça va être gratuit. Cette application-là, présentement, elle est gratuite. Par contre, c'est sûr que si vous voulez aller plus loin à un certain moment, ça peut demander votre code pour pouvoir faire un achat quelconque. Mais si vous gardez la base de tout, là, qui est vraiment juste de pouvoir traduire, à ce moment-là, l'application est gratuite et je trouve ça merveilleux. La deuxième application dont je veux vous parler, c'est une application qui a été créée par des étudiants en marketing à l'Université de... si je me souviens bien, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais à Sherbrooke. Donc, en fait, ça s'appelle Job Map. C'est une bêta et ça va vous laisser vous connecter aux opportunités qui vous entourent. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que ça vous permet d'accéder à toutes les opportunités géolocalisées d'emploi, de stage ou de bénévolat autour de vous sur une carte. Pour les entreprises, l'inscription est gratuite et ça se fait en moins de 5 minutes. Ça permet aussi d'offrir une grande visibilité qui est quand même assez illimitée en temps et vous postulez sur l'application. Ça se fait en un seul clic et c'est tout à fait simple de vous connecter. C'est vraiment cool. En fait, j'ai fait un petit peu le tour de cette application-là parce que j'ai un de mes amis qui a participé au projet et c'est une option qui est disponible pour le chercheur d'emploi, pour le chercheur de stage ou le chercheur de bénévolat. Donc, vous allez avoir un accès gratuit et permanent à l'application JobMap. Ça va faire une recherche par géolocalisation, comme je le disais tout à l'heure, et vos critères d'opportunité autour de vous. Ça va aussi faire une création d'un profil complet pour une visibilité qui va être assez accrue, merci. Vous allez avoir un abonnement aussi succursale favorite pour un suivi des postes qui va être disponible. On parle aussi d'une connexion avec d'autres membres, c'est-à-dire amis, collègues, entrepreneurs. C'est un peu comme une espèce de LinkedIn, mais vraiment pour pouvoir se trouver des jobs, des stages. Et tout à l'heure, je parlais de bénévolat. Donc, il y a des partages de postes et de succursales sur les réseaux sociaux qui va être possible de faire justement afin d'optimiser vos propres recherches. Et si vous êtes une entreprise et que vous voulez justement adhérer à cette petite application-là, eh bien, l'affichage va être gratuit de l'entreprise sur la carte. Vous allez aussi avoir un affichage gratuit des différentes succursales de l'entreprise. Lors de l'inscription à la version, par exemple, premium, bien le premier mois va être gratuit. Vous avez une possibilité de contacter les candidats qui postulent sur vos postes. C'est un filtre aussi permanent de préciser la recherche de candidats que vous voulez selon votre entreprise. Donc, il y a des partages de postes de succursales sur les réseaux sociaux qui ont des avantages de visibilité assez grand avec l'application. Je trouve ça vraiment cool. Ils l'avaient présenté dans un projet de start-up, là, tu sais, les fameux start-up week-end où plusieurs personnes en marketing vont participer. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour cette équipe-là. Ils ont présenté l'idée de l'application. Ils ont créé l'application. C'est un site Internet qui est complet aussi. C'est sûr qu'on dit que c'est une bêta, mais je sens que cette application-là peut faire parler de plus en plus. Et comment est-ce que ça fonctionne exactement? Eh bien, c'est très facile. Vous allez avoir comme un Google Map, par exemple, et vous allez avoir des bulles qui vont vous indiquer où sont les endroits qui ont des emplois disponibles ou des stages disponibles ou encore du bénévolat disponible. Donc, vous allez pouvoir filtrer les entreprises par industrie, par salaire, par mots-clés. Ça va vraiment être selon vos critères à vous. Par la suite, vous allez cliquer sur une succursale pour voir les emplois qui vont être disponibles. Donc, vous allez pouvoir, voir team leader ou encore emploi étudiant selon l'entreprise qui est disponible. Vous pouvez voir les emplois qui sont disponibles et aussi fermés. Et vous allez pouvoir postuler en un seul clic. Donc, il n'y a pas vraiment de poste de disponible ou peu importe. Vous allez quand même pouvoir envoyer votre CV en un seul clic avec l'application. Et les bénéfices, bien, c'est que si vous voyez, si, par exemple, vous avez une affiche sur le bord d'un autobus ou peu importe, vous êtes attiré par cet emploi-là ou quoi que ce soit, bien, ça va être extrêmement facile pour vous de le faire parce que vous allez être géolocalisé à côté de cette affiche-là. Donc, vous voyez si, par exemple, s'il y a un arrêt de bus, une station de métro, une épicerie, un parc pour vous relaxer à proximité de l'entreprise. Par la suite, vous allez suivre les succursales, vous allez recevoir des alertes, lorsqu'il va y avoir de nouveaux emplois qui vont être disponibles. Vous allez aussi sauver du temps, de l'argent en évitant des allers-retours qui sont un petit peu parfois non nécessaires. Vous allez pouvoir partager les offres d'emploi et les entreprises de façon facile. C'est facile, c'est efficace, c'est complètement gratuit. On adore ça. J'ai téléchargé l'application moi-même pour en faire le test, faire aussi le tour de l'application. J'ai discuté avec un des gars qui a participé à l'élaboration de cette application-là et c'est merveilleux. J'adore vraiment ça. La prochaine application dont je veux vous parler, ça s'appelle Pocket. Qu'est-ce que c'est exactement Pocket? C'est tout simplement... Attendez. Je veux juste pas me tromper, tu sais. L'application Pocket, en fait, ça a été créée en 2007 et c'est dans le but de sauvegarder du contenu web qui est intéressant. Donc, par exemple, si vous êtes du genre le matin à vous dire... Je lis pas le journal, je regarde pas les nouvelles, mais j'ai mon cellulaire avec moi à la table, puis je fais le tour de tout ce qui est journaux, tout ce qui est nouvelles, justement. Eh bien, ça va pouvoir sauvegarder des articles, des vidéos pour le consulter de façon ultérieure. Donc, une fois les éléments vont être sauvegardés dans Pocket, la liste de contenu va être assez accessible sur n'importe quel appareil. Donc, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre tablette ou votre ordinateur, vous allez pouvoir consulter ces éléments-là pendant que vous faites, par exemple, la queue à la banque, que vous êtes en train d'attendre quelque part, Vous voulez lire un article? Bien, ça va être possible si vous l'aviez enregistré. Vous allez pouvoir le faire aussi sur votre canapé, dans les transports en commun ou lorsque vous voyagez, même si vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi. Le leader mondial en fait de la sauvegarde pour consultation utérière, c'est cette application-là qui compte actuellement plus de 22 millions d'utilisateurs et qui s'intègre à plus de 1500 applications. Donc, vous avez par exemple Twitter, Zit, Flipboard. Elle peut être utilisée avec les principaux appareils et plateformes comme iPad, iPhone, Android, Google Chrome, Safari, Firefox, Windows aussi. Et l'équipe est basée basé à San Francisco, composé de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, mais c'est quand même assez facile. Si vous parlez de l'inscription, entre autres, bien, vous pouvez vous inscrire via Google, vous pouvez vous inscrire via votre courriel. Ça semble être gratuit à ce que j'ai lu. J'ai essayé de trouver un petit peu plus de conditions par rapport à tout ça, les conditions générales d'utilisation, puis bon, vous savez de quoi on parle. Si jamais vous voulez avoir le système premium, ça pourrait vous coûter un petit peu plus cher. Mais à la base, je trouve l'idée excellente que de pouvoir conserver des articles que vous avez peut-être pas eu le temps de terminer, de pouvoir les lire par la suite un petit peu partout sans nécessairement avoir le Wi-Fi. C'est génial. C'est un petit peu ce qui manquait, moi, à mon téléphone. Et je pense que je vais le faire. Je pense que je vais adhérer à l'application Pocket pour pouvoir lire par la suite tout ce que j'ai besoin de lire. Et la prochaine application, ma dernière application dont je veux vous parler, eh bien, c'est Calio. Qu'est-ce que c'est exactement? Calio, c'est une application de santé. Donc, c'est pour prendre en main votre santé et vous donner des chances de l'améliorer. Vous allez vous enregistrer pour suivre votre état de santé depuis votre appareil mobile. Vous avez le choix entre créer un compte gratuit ou devenir un abonné premium. Mais quels sont les avantages? En fait, c'est un service qui est adapté à votre situation. Donc, votre santé est analysée selon les règles médicales qui sont établies par la Haute Autorité de Santé. Et il y a des analyses qui peuvent être complétées par des analyses qui vont être plus spécifiques dans le cadre de suivi de patients organisés par des professionnels de santé ou des établissements de soins. Vous allez avoir aussi des sélections de services, donc les services qui correspondent à votre profil santé vous sont prioritairement proposés. Vous allez avoir les notifications, les alertes qui vont être reçues, qui vont correspondre à celles qui sont utiles dans le cadre de votre parcours de soins. Vous allez aussi avoir les tendances santé. Donc, à chacune de vos visites chez votre médecin, vous allez pouvoir partager vos analyses et votre tendance avec votre médecin si celui-ci indique la conduite à tenir si nécessaire. Donc, en fait, ça devient un petit peu votre carnet santé. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre santé va être sur cette application-là. Vous allez pouvoir aussi avoir, par exemple, vous avez envie de faire le point sur votre santé, eh bien, vous allez renseigner les informations qui vous concernent. Vous allez pouvoir analyser tout ce qui se passe de votre côté de votre santé. Donc, vous allez prendre connaissance des analyses de vos données. Vous allez le faire selon le point de la situation de votre prochaine visite chez le médecin. Vous allez pouvoir vous monitorer, c'est-à-dire qu'à chaque jour, vous allez découvrir un nouvel article, vous allez compléter vos informations lorsque c'est nécessaire et vous allez attendre les notifications de rappel. Vous allez pouvoir le faire en avant, comme je le disais, de façon gratuite. Qu'est-ce que l'offre gratuite en fait? C'est l'analyse factuelle de vos données, c'est des graphiques des évolutions et l'actualité. Et si vous y allez pour le premium, eh bien, ce sont des analyses qui vont être tendancielles des données, des recommandations personnalisées de vos médecins et des informations personnalisées. Donc, c'est vraiment très facile. Faites le tour de l'application si jamais ça vous tente. Allez faire un tour sur le site Internet. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est exactement. Vous allez pouvoir avoir la grande lecture là, de tout ce qui est l'application. Et par la suite, bien, vous allez pouvoir choisir si ça vous tente ou si ça vous tente pas. Tout simplement. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps si vous voulez voir une application et savoir comment ça marche. Donc, je vais vous poster sur la page Facebook d'Assemblage Requis toutes les applications dont je viens de vous parler. Et au retour, on va parler avec Mathieu Plante, mais pour le moment, on va aller écouter The Franklin Electric avec I Know the Feeling. It's amazing how my eyes have grown to see the colors right. And I never thought it before I saw you last night. like the breath of God on my waking land, dreaming of a place that I wanna go, of a place that I wanna go. I know the feeling de Franklin Electric, un band qu'on adore ici à C'est fou. J'adore cette pièce-là, point. C'est tout ce que j'ai à dire. Et au bout du téléphone avec moi, c'est Mathieu Plante. Hello, ça va? Bon matin, bon lundi. Oui, bon début de semaine. Troisième semaine pour toi? Oui, exactement. J'espère que ça va arrêter aujourd'hui. C'est, ben écoute, c'est pas ce que je suis en train de me dire, mais... Mais non, mais on veut surtout savoir la situation dans laquelle tu te trouves, si ça va mieux. Merci, oui, ben ça va mieux. Et boy, t'as l'air sûr. Ouais. Ben, c'est vers le milieu de la semaine passée, j'ai commencé à avoir pas mal mal au bras, celui sur lequel je suis tombé en marchant sur la glace, on se rappelle. Oui. Donc, je sais pas, j'ai les ai appelés à clinique d'orthopédie, ils m'ont dit laisse une chance à ton corps et puis viens nous voir lundi comme prévu. Fait que je vais appeler tantôt leur dire que j'ai encore mal, mais là, c'est moins pris. OK. Ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre à dire que ça n'a pas autant guéri que ça devrait. En théorie, je pense que tu nous l'avais déjà dit la semaine dernière, mais c'est aujourd'hui que tu vas pouvoir aller te faire enlever ton plâtre, ouais. Savoir si tu vas avoir de la physio et tout ça, savoir si tu vas être parmi nous cette semaine. Oui, exactement. D'après moi, la physio, c'est sûr, pas mal sûr que ça va avoir lieu, vu que le médecin m'en avait déjà parlé. Ce que je sais pas, c'est combien de fois, à quel moment, pendant combien de temps, est-ce qu'il me laisse en arrêt de travail, est-ce que je peux revenir au travail, est-ce que je peux y aller avec du travail restreint, est-ce que je peux faire un retour graduel, j'en ai aucune idée. Donc, le rendez-vous est cet après-midi, fait que je devrais avoir des informations pour toi dans la journée et te dire d'ici à demain si je vais être là pour t'accompagner en studio. Ben oui, hey, ça serait le fun, on aimerait ça. Ouais, dis-moi, durant ta fin de semaine, est-ce que tu es sorti de chez vous, là? T'as-tu pris le temps, mettons, de te dire que tu t'aventurais dans le monde extérieur autre que ton appartement? Oui, ben la semaine passée, je te rappelle que j'étais dans un endroit top secret, donc oui, j'étais sorti de la région. Chez les moines. Oui, c'est ça, chez les moines. J'étais revenu mercredi après-midi. Jeudi, je suis allé à Québec. OK. Pour un iPhone. Oui. Ouais, je te dis que j'ai de la misère avec les ventes sur Kijiji et autres sites de vente. J'ai changé mon iPhone 6S Plus pour un 7 Plus. OK. Puis, quand le gars est arrivé chez moi, on a fait l'échange, on a essayé le téléphone de l'autre, tout fonctionnait, j'ai donné un petit peu d'argent pour compenser, blablabla. Il est parti, et puis là, j'arrive pour prendre une photo, l'appareil photo marchait pas. Oh, mon Dieu! Ouais, fait que là, j'ai essayé de restaurer le téléphone 4 fois, de 4 façons différentes, et j'ai toujours pas réussi à faire fonctionner la caméra. Évidemment, je reparle au gars, le gars vient chez moi, tout, il me dit, je suis pas un arnaqueur, blablabla. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Un arnaqueur dit quoi comme phrase? Je ne suis pas un arnaqueur. Exactement. C'est comme je suis pas raciste, mais, et puis une phrase raciste. Bref. Donc, c'est pour dire que, bon, là, il voulait que je dédommage s'il me redonnait mon téléphone, blablabla. Fait que c'est ça. Bien, je vais appeler à la porte. Ça, j'ai fait ça après que ce soit parti. Okay. J'ai appelé à la porte. Ils m'ont dit, viens nous voir, on va régler ça. Je suis allé là-bas, ça m'a pris peut-être 3 heures aller-retour, plus le temps de passer au Genius Bar. Ben ils oui. me l'ont échangé contre un nouveau téléphone. Oh, pas vrai? Oui, je te jure, la caméra, c'était pas ça le problème finalement. C'était un problème autre, donc qui faisait que la caméra fonctionnait pas et que le flash non plus. Dans le fond, il y avait rien qui marchait sur ce module-là. Ils l'ont changé, ça a continué de faire le même problème, fait qu'ils me l'ont échangé contre un nouveau. Fait que le gars est un loser. Il m'a donné un téléphone qui savait très bien qu'il marchait pas. En me disant, hey, je te jure, il m'a accusé en me disant, il me dit, je sais pas, moi, depuis que je suis venu tantôt, t'as peut-être fait quelque chose. Tu l'as peut-être échappé à terre. Hey! Mathieu était fâché. Pour moi, pas mal. Fait que bref, le problème s'est réglé. C'est pour dire que je suis allé à Québec. Et pour répondre à ta question, non, j'ai pas sorti la fête. Ah, OK. Est-ce que tu as quand même eu l'occasion de pouvoir créer des mots? Oui, ben oui, quand même, une bonne question. En fait, le premier mot que je te propose aujourd'hui, comme j'appelle ça mes jeux de mots, comme mes douleurs, hein, c'est pas très drôle, mais c'est pas grave, celui-là, de toute façon, ça fait même pas allusion à ma douleur du tout. C'est Jean-Philippe Charbonneau, notre fameux directeur général. Oui. Qui s'est trompé. Je pense qu'il a fait une faute de frappe et il a appelé, il a dit qu'on avait une réunion, je sais pas trop quoi, qu'il avait tout m'expliquer ça en mon retour. Là, et il a dit, on a hâte de te revoir dans ton milieu de travail, mais sauf qu'il a marqué mielleux de travail. Oh. Et je me suis dit, oh, je vais revenir dans mon mielleux de travail. Ah, c'est merveilleux, ça. Peut-être, j'espère, on verra. On sait pas si ça va être mielleux, là, quand tu vas revenir, mais... Ah, les comptes rendus de réunion, ça me... C'est ça. Et pour terminer, mon deuxième jeu de mots non plus rapport avec ma douleur, mais tu peux t'inventer une histoire avec ça, si tu veux. J'ai juste trouvé ça drôle de dire fallusion, comme dans fallusion. Attends, il faut que tu répètes. Phallus, c'est allusion comme dans une fallution. Ah, OK, ben oui. Ouais. OK. Ouais. C'est tout. Je trouve ça drôle. Je te demanderai pas comment elle est venue en tête, celle-là. Non, c'est mieux pas. Je pense qu'on est mieux pas savoir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, par contre, si mon bras droit me nuisait à certaines activités. Ah oui, c'est vrai. Je ne dirais rien. Ben, tu sais, comme prendre ta douche, là. Oui, oui, c'est ça, je voulais dire, oh, oui. Exactement. Est-ce que lorsque tu prends ta douche, justement, tu t'enrobes tout ça dans du papier plastique, comme quand on avait 10 ans, puis on se pétait de quoi? Oui, ben justement, mon médecin m'a donné une petite feuille de marche à suivre. Okay. J'ai suivi la plupart de ces conseils-là. Il y avait un conseil qui me disait, bon, ça, je n'ai parlé il y a peut-être 2 semaines, que j'avais pas le droit de mettre de quoi dans mon plat pour me gratter. Fait que, bon, je le fais pareil, parce que je me suis trouvé quelque chose de très, très mou. Mais pour prendre la douche, il a dit de ne pas utiliser un sac de plastique. À cause de l'humidité? À cause de l'humidité. Et dans sa feuille, ça disait pour risque... ça disait pourquoi? Bref, j'ai cherché sur Internet, ça dit que c'est parce que ça pourrait faire des champignons dans ton plant. Ah, ben oui, justement à cause de l'humidité, probablement. Mais j'ai trouvé une autre solution à place. Mon bain est fait... dans le fond, j'ai un bain sur pâte. Okay. Donc, j'ai pas de pôle à rideau. La pôle est comme suspendue au plafond. C'est comme un genre de d'ovale, si on veut, un cercle... Un rectangle circulaire ou un cercle rectangulaire. Bref, donc j'ai plusieurs rideaux. J'ai un rideau d'un côté, un rideau de l'autre et un autre demi-rideau comme pour protéger le côté où la pomme de douche est située. Fait que je mets mon bras entre le rideau de la pomme de douche et le rideau de l'autre côté et je me suis mis des épingles pour les cordes à rire. Ouais. Des épingles de vêtement très, très solides pour m'assurer que mon bras sorte pas de là. Et je me tiens le bras sur le rack à savon. Fait comme ça, je suis sûr que si je tiens le rack, ça veut dire que je suis pas mouillé. Ah, si je lâche okay. le rack, ça veut dire que je vais mouiller. Fait que faut que je fasse bien attention. Fait que là, faut que tu fasses attention. Trois fois le temps. Oui. Trois fois le temps. C'est ridicule comment c'est long pour se laver. Non, c'est sûr, hein? C'est pas super intéressant comme histoire. Mais quand même, écoute, mais quand même. Mathieu, on espère que ça va aller mieux de ton côté. On espère que tu vas pouvoir te joindre à nous assez rapidement. Ben, j'espère d'ici la fin de la semaine. D'après moi, s'il me fait faire de la physio, d'après moi, ça va être sur les heures de bureau. Oui. D'après moi, peut-être qu'il va me dire retour graduel au travail. Fait peut-être, je sais pas, j'invente des affaires, je ne sais rien. Mais peut-être qu'il va me dire, bon, tu peux aller au travail le matin puis venir en après-midi faire ta physio. Bon. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a de quoi faire avec ça, mais je vais te le dire, c'est l'après-midi. Mais on espère, on va continuer à toucher du bois pour que tu sortes pas de chez vous aujourd'hui puis que tu te plantes en t'en allant chez le médecin, justement. C'est le genre de choses qui pourraient arriver. Oui, ben absolument. Et comme j'ai encore mal, ça se pourrait qu'ils me disent que je vais te faire une radio puis finalement, on va te remettre encore une autre semaine de plâtre. Là, ça se pourrait, ça, je sais pas. Ah ouais, OK, ça pourrait être quelque chose de faisable. Ben, il me semble que j'ai mal, je sais pas. Oh! Malaise. Ouais. C'est pas bon, ça. Mais on verra. On n'aime pas ça. Je vis au jour le jour. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Bien, écoute, Mathieu, si tu me le permets, je vais quand même présenter à nos auditeurs ce qu'ils peuvent écouter tout le long de la journée. Ben oui, puis de toute façon, faites-en pas, j'ai écouté ta chronique de tantôt, Tania, avec la vente de pubs, avec tous les trucs de site internet, je pense que tu fais 325 000 $ par année. Moi aussi. Oui, oui. C'est correct, hein? Exactement. Hein? Moi, au niveau de communication, là. Oui, oui. Oui, c'est sûr. On est là-dedans. écoute, Mathieu, après l'émission, c'est sûr que tu vas pouvoir rester en onde pour écouter C'est fou le sexe, l'émission d'éducation sexuelle, parce que c'est eux qui s'en... Ben oui, exactement. C'est eux qui s'en viennent après moi, donc ils vont rentrer en studio dans quelques instants. Par la suite, à 11h, la sortie de secours est à votre gauche, émission d'actualité. Ils vont probablement parler des présidentielles françaises. Je dis ça comme ça, mais d'après moi, c'est une petite intuition que j'ai. À partir de midi, vous allez pouvoir réécouter la rediffusion de Rock Classique de l'émission de vendredi et Rock de Neurones à 20h ce soir sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est déjà ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui, Mathieu. Ah, c'est triste. Ben oui, je sais. Mais tu vois, je sais pas si tu entends, mais je te mets la fermeture d'émission en background. Tu l'aimes tellement, celle avec les crapauds en arrière. Ouais, boy, hein? Je t'ai fait plaisir aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu. Fais attention à toi. À demain. Bye-bye, à demain. Donc, pour nous, c'est déjà la fin de l'émission, comme je le disais. Si jamais ça vous intéresse, il reste plusieurs émissions tout au long de la journée. C'est fou, le sexe s'en vient, comme je l'expliquais. Restez en onde. Et nous, on se dit à demain. Oui, à demain, avec Mathieu ou peut-être sans Mathieu. Qui sait? On le saura un petit peu plus tard durant la journée. Surtout, bon café et bonne journée. Bye, tout le monde!